Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble ce soir pour une nouvelle émission en format différé, une nouvelle émission, encore une fois, au contenu très qualitatif, avec l'intégration de 6 nouveautés pour aujourd'hui. Norvégien Abbas, les Ricains de Father Befold, les Français de Proudhon, notamment parmi quelques autres qu'on égrènera tout au long de l'émission de ce soir. Bienvenue dans cette 469e émission, donc émission que l'on commence tout de suite avec une doublette, avec en ouverture de cette doublette Corpse Grinder, bien sûr George Fisher Corpse Grinder, qui sort son premier album solo sous son propre patronyme. On est sur du très très bon death ricain rehaussé de hardcore à la sauce ricaine. L'album s'intitule sobrement Corpse Grinder. On s'écouterait le titre Death is Only Key. Et dans la foulée, le Norvégien Abbas, bien sûr membre emblématique de Immortal, qui sort là son troisième album studio sous son propre nom, 2016, 2019 et 2022. Abbas, une sortie toujours sur le label français Season of Mist, l'album s'intitule Dread River. Musicalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir sur cet album studio ? Typiquement, musicalement, ça rappelle du Abbas, à la fois rentre dedans, heavy, épique avec ce riffing très très propre de Abbas. On note également une cover de Metallica pour le titre Trapped Under Ice. Et voilà, notez bon, encore des icônes de session pour l'entourer autour de cette troisième effort studio pour Abbas. On s'écouterait le titre Dream Curl Corpse Grinder Abbas. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Only when I see my design, we live. Le sludge à la fois mélodique et crasseux de Crowbar, le groupe ricain sort son nouvel effort studio Zero and Below. L'album est déjà disponible. Pas grand chose à dire, hein, la qualité est toujours au rendez-vous, même si la recette est la même, l'efficacité est toujours bien présente. Et en doublette avec Crowbar, une excellente découverte à titre strictement personnel de ces dernières semaines dans l'émission. Death Hammer, ce groupe de True Revival Heavy Speed Trash, Speed presque black même d'ailleurs, hein, inspiré des premiers Venom et autres Hellhammer. Rapid Violence, c'est le titre qu'on va s'écouter ce soir, extrait de leur nouvel effort studio Electric Warfare. C'est parti, Crowbar, Death Hammer. Oh! vous êtes bien au cœur de l'émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes du 93.6, les ondes de Radio Béton. On attaque la troisième doublette de ce soir, et c'est une doublette de nouveautés, puisque nous avons tout d'abord Father Bifold. On est sur du Deathrican, qui a vu le jour il y a une quinzaine d'années. Ils sortent là leur cinquième effort studio. À noter un beau up dans leur label, puisque de Dark Descent Records, label qualitatif cependant, ils sont passés chez Everlasting Spew Records, un label qui monte, dont on diffuse une à deux sorties par mois. 9 titres pour 36 minutes, ça reste direct et frontal, hein, et on est toujours sur du death crasseux et caverneux, voilà pour le fun, hein, clairement. Et en doublette avec Father Bifold, Chaos Invocation. Là on est sur du black qui nous vient d'Allemagne, la formation a presque 20 ans de carrière, ils sortent là leur quatrième effort studio. On est sur du black direct et intense, dans la veine des vieux albums de Vatain par exemple, c'est hyper efficace et en plus très très bien exécuté. Voilà donc pour la présentation de la doublette suivante, Father Bifold, on s'écoutera le titre Unheavenly Caeticus, extrait de leur nouvel effort studio Crowned in Veneficum. Et dans la doublette, Chaos Invocation, Strike of the Dominator's Fist, extrait de leur nouvel effort studio Devil, Stone and Man. L'album à noter est dispo chez World Terror Committee. Et c'est parti. We'll be right back. Pour la suite, une doublette 100% féminine, hein, comme on le présente depuis quelques semaines. Tout d'abord, nous avons Convent, la formation danoise de Doom Death, avec une vocaliste extraordinaire, active depuis 2015. Ils sortent là leur second album, leur second album studio chez Napalm Records. C'est lourd, c'est gras, c'est sombre, c'est pesant et c'est très très bien exécuté. Et en doublette avec Convent, on s'écoutera ce One Man Band de black ukrainien Sidus Atrum, One Woman Band pour être plus exact, active depuis 2019. Elle sort là son second album studio. 6 titres pour 40 minutes d'un métal extrême forcément très black, assez moderne dans les sonorités, et ma foi, la qualité également au rendez-vous. Convent, on s'écoutera le morceau In The Shot, extrait de l'album Cold Down The Sun. Sidus Atrum, on s'écoutera le morceau Farewell, extrait de l'album Spiral Of Life. C'est parti. ma foi, la doublette suivante va déjà nous faire entrer dans l'aspect française. Tout d'abord, nous avons Knight, formation qu'on a découvert il y a une paire de semaines. Récente formation californienne qui propose une sorte de heavy blackisant. Le groupe est quand même signé chez Season of Mist pour ce second effort studio. Donc on est sur musicalement une base assez heavy traditionnelle années 80. Et vocalement, par contre, on est sur quelque chose de vachement plus black metal. Voilà pour le combo musical de Knight. Et on entre ensuite dans l'aspect français avec tout d'abord Wrath of the Nebula, un groupe qui nous vient de Cannes, formé par un membre de No Return. Ils sortent là leur premier album studio longue durée, après un EP qui a vu le jour en 2021. Musicalement, on s'attend à quoi ? On est sur un death assez moderne et symphonique, forcément d'inspiration Flesh God et des récents Septic Flesh. A noter que c'est Kevin Paradis qui était présent sur l'album en tant que batteur de session, et si mes sources sont exactes, c'est l'ami Quentin Regnault, bien sûr le batteur tourangeau, qui serait session live pour les dates à venir de Wrath of the Nebula. Voilà donc un premier effort studio longue durée. Knight, on s'écoute le morceau Cronian Moon, extrait de l'album Voice of the Cronian Moon. Et Wrath of the Nebula, on s'écoutera le morceau Origin of Creation, extrait de leur premier album studio The Restless Leviathan, une sortie EMIO Music prévue le 1er avril. C'est parti. Fire be my guide. I'm burning. On continue à dérouler tranquillement l'aspect française avec maintenant El Militia, le groupe de black metal francilien qui sort son nouvel effort studio 10 ans après le dernier album hein, sorti en 2012. Donc Hollow Void, c'est le nom de cet album qui voit le jour chez Season of Mist. On s'écoutera le morceau Within the Maze. El Militia, toujours du très très bon black, bien crasseux et à la sauce francilienne, hein, donc. Et ensuite Death Bell, le groupe doomisant qui sort son nouvel effort studio. Death Bell, on l'a déjà largement présenté, un doom psyché rock qui nous vient de Toulouse, second album studio. Cet album studio, au passage, s'intitule Nocturnal Crossing, et on s'en écoutera l'extrait The Stronghold and the Archer. C'est parti, El Militia, Death Bell. Lost them! Lost them!